J'ai passé mes vacances d'été dans un petit pays charmant à visiter. Bien connu pour ses vieux manoirs, ses fantômes dans tous les couloirs. On y boit pas mal de whisky et les gens sont comme on les avait décrits. Quelle que soit la conversation, il attire toujours la même conclusion. Est-ce que c'est un souvenir? Jamais non, et tâche d'ouvrir l'œil lorsqu'on perd la monnaie. Tous les soirs, un gentil garçon, dont j'aimais assez le style et les façons. Dans la vie, m'en fait faire un tour. Très correct, me voilà bien sûr. Il me dit, je voudrais t'offrir cette petite robe qui te fait tant plaisir. Mais pourquoi ne prendrais-tu pas plutôt un kiff? Ça ne se démode pas. Est-ce que c'est un souvenir? Ne l'oublie jamais, non. Et tâche d'ouvrir l'œil lorsqu'on te remonnaie. Est-ce que c'est un souvenir? Ne l'oublie jamais, non. Et tâche d'ouvrir l'œil lorsqu'on te remonnaie. Un tout jeune douanier me demande qu'avez-vous à déclarer. Je réponds d'un air innocent. J'ai un kiff, il est ravissant. Il me dit, vous pouvez passer. J'essaie de ne pas avoir l'air trop pressé. Mais je vais enlever aussitôt tous mes bagages remplis de cadeaux. Est-ce que c'est un souvenir? Ne l'oublie jamais, non. Et t'as toujours l'air d'un porteur.